Depuis une décennie, la nature nous donnait des signes. Une année, il n'y eut plus d'azur. Ces jours de l'année sans été, nous étions retenus à l'intérieur par la pluie incessante. Une pluie de cendres qui recouvrait tout, maisons, arbres, routes et champs. La terre balançait dans le paysage noir, dans l'air sans lune. Un mal mystérieux avait réapparu, l'aménorrhée. Mélancolique, nous songions tous au roman de Mary Shelley, le dernier homme qui décrit la fin de l'humanité en 2073. Un soleil noir m'envahissait, étoile tenace du désespoir, inconscient du chemin, errant dans l'obscurité de l'espace éternel.